dans le resto. Elle a dû ranger sa nouvelle robe. Elle n'a pas pu voir ses amis. Et elle y a pensé toute la semaine. N'attendez pas de frapper un mur. Faites-vous vacciner. Le passeport vaccinal est maintenant exigé pour fréquenter certains lieux publics. Un message du gouvernement du Québec. Bonsoir, chers auditeurs et auditrices. Myriam Leland au micro, à la barre de l'émission L'Aérospatiale, votre magazine sur les arts visuels à Québec. Vous êtes toujours à l'écoute de CKRL 89.1. Ce soir, à l'émission, on a un petit programme allégé. C'est la rentrée culturelle pour tout le monde, des petites semaines occupées. Donc, on a décidé de prendre ça relax cette semaine et on reçoit à l'émission, en entrevue, l'artiste Allegria Gobeil, c'est un artiste de Montréal et il y a des événements qui se préparent en collaboration avec l'organisme Folie Culture. Donc, on va discuter avec Allegria en première partie d'émission de sa pratique, de sa résidence chez Folie Culture et des événements qui s'en viennent justement. Et en deuxième partie, on va faire notre traditionnel agenda de la semaine pour que vous ne manquiez pas de divertissement et d'art en fin de semaine et cette semaine. Puis, pour la sélection audio, c'est toujours Simon Roy qui nous fait l'honneur de nous choisir des pistes musicales pour entrecouper notre contenu. Donc, cette semaine, on écoute le groupe torontois Bad Bad Not Good. On écoute un album de 2016, c'est l'album 4 en chiffres romains. Par contre, ils ont un nouvel album qui est à paraître le 8 octobre prochain, donc c'est très bientôt. Ça va peut-être vous donner envie d'aller explorer ce nouvel album. Donc ce soir, comme je vous disais, c'est des extraits de l'album 4. Alors on se laisse tout de suite avec une pause audio avec la chanson « And That Too » du groupe Bad Bad Not Good. Et au retour de la pause, on discute avec l'artiste de Montréal, Allegria Gobeil. Thank you. Bienvenue à l'aérospatiale, Myriam Leland toujours au micro et j'ai avec moi l'artiste Allegria Gobeil au bout de l'écran. Bonsoir Allegria. Salut. Merci de te joindre à moi ce soir pour discuter de ta pratique et des belles choses qui s'en viennent aussi. Allegria, tu travailles beaucoup en art performance, beaucoup avec le texte, avec la parole aussi. Commence par nous parler un peu de qu'est-ce que tu abordes justement dans ta pratique. Ouais, en effet, je travaille en performance ou comme dans une approche performative. Je pense que c'est pas tout le temps de la perf devant public. Entre autres, je me suis quand même beaucoup intéressée dans les dernières années à travailler sans public, puis à travailler dans une approche performative, mais qui se déploie plus dans mon quotidien. Là, j'hérite vraiment de pratiques performatives plus subtiles, disons des années 70, ou des pratiques un peu plus comme conceptuelles et protocolaires de ces années-là. Puis, je travaille avec et sur, ou avec sur, souvent des comportements qui sont considérés comme autodestructifs. Donc, ça peut ressembler à, tu sais, je me suis intéressée à la mutilation, à l'intoxication, à l'idéation suicidaire, à toutes sortes de choses de cet acabit. Puis, particulièrement, disons que mon angle d'approche, c'est de m'intéresser à comment est-ce que ces pratiques-là sont psychiatrisées. Donc, psychiatriser, ça veut dire des comportements qui vont être carrément dans le DSM, là, qui est comme le espèce de bible diagnostique de psychiatrie, ou bien des comportements qui mènent à la pathologisation, ou le fait d'être diagnostiqué, ou d'être médicamenté, ou d'être suivi en psychiatrie, ou par un psy, etc. Puis, pour les gens qui sont moins habitués à cet univers-là, on peut résumer ça en disant que c'est considéré comme quelque chose qui découle de la maladie, quelque chose de mad. D'ailleurs, c'est une étiquette, si je peux dire ainsi, un terme que tu t'appropries beaucoup dans ta pratique, justement. Ouais, ben en fait c'est assez particulier parce que justement peut-être pas en fait. En fait pour les personnes qui sont pas familières avec les termes vraiment spécifiques de ça, mad c'est un terme qui a été repris, c'est comme un espèce de reprise performative, un peu comme queer. Mm-hmm. Puis tu sais, mad souvent c'est vraiment une identité qui est comme reprise. Puis c'est pas nécessairement des gens qui ont été psychiatrisés en tant que tels, ça peut être des gens qui se considèrent comme fous folles. Puis moi, je m'intéresse vraiment beaucoup à ces pensées-là, parce qu'en ce moment, il y a tout un courant de pensée qui se réfléchit à partir de la perspective mad. Mais personnellement, j'essaie de pas être dans la logique d'identification, en fait. Fait que moi, je reclaim pas cette identité-là. J'essaie de pas le réfléchir comme une identité, justement. Mais je suis solidaire avec ces positions-là, tu sais, parce que là, on devient vraiment technique, là. On s'en va loin dans la terminologie, mais disons, pour les nerds, c'est là où je me situerais, disons. Mm-hmm. Puis justement ces sujets-là, bon, tu dis que tu t'y intéresses, t'intéresses justement aux faits qui sont pathologisés, que c'est les personnes qui utilisent ces techniques, disons, qui vivent ces réalités, sont marginalisées grâce à ça, en fait. À cause de ça, je devrais dire. Grâce à ça. Mais qu'est-ce que tu explores, justement, dans ces thématiques-là? Quel lien tu fais avec une pratique artistique? C'est sûr que je m'intéresse aux aspects politiques de ces questions-là, tu sais, par rapport à justement, tu sais, les luttes des personnes psychiatrisées, tu sais, la perte de droits légaux, la perte de statut, tu sais, toutes ces questions-là. Mais là, ça semble, tu sais, c'est peut-être un petit peu plus loin dans un aspect un peu plus, disons, théorique de mes intérêts. C'est intéressant, en fait, le lien entre ces réalités-là, puis les pratiques artistiques, parce que, puis c'est un peu là mon point de départ de la raison 5 polyculture, il y a des choses qui sont des pratiques récurrentes en art performance, par exemple, qui, en art performance, se revendiquent d'une agentivité ou comme une espèce de libre action avec son corps, une souveraineté de ses gestes, etc. Et ces mêmes gestes-là ou ces mêmes postures-là, en dehors, sont psychiatrisés. Donc, moi, j'essaie de pas juste revendiquer le fait que c'est pas pathologique. T'sais. J'essaie pas juste de dire ah, la coupure, c'est pas mauvais, ou c'est pas une pratique de fou folle. Je me dis, OK, c'est une pratique de fou folle. Si c'est une pratique de fou folle, qu'est-ce que ça veut dire? Comment c'est pratiqué par les personnes qui sont psychiatrisées? Puis comment est-ce que je peux réfléchir en solidarité puis avec ces pratiques-là, plutôt que d'essayer de me distancier ou de dire, ah, oh, moi, c'est juste de l'art, ou de dire, ah, oh, non, c'est pas pathologique. Puis d'être comme, oh, bon, OK, comment est-ce que, dans quel inconfort est-ce que je peux m'installer? Qui est cet inconfort-là d'être solidaire avec le fait que ces pratiques-là sont psychiatrisées, puis quel genre de méthode, puis quel genre de réflexion peut en découler. Puis c'est extrêmement riche, en fait. Mm-hmm. Ça fait plusieurs années que je travaille autour de ça, mon mémoire est autour de ça, tu sais, c'est comme tout, moins 5 ans. Oui, c'est ça, parce que voilà. Tu es en train dans ta biographie sur ton site web et d'autres publications, tu utilises le terme que tu joues à t'institutionnaliser en ce moment. Ouais. Donc, tu es en train de faire une maîtrise à l'UQAM en art visuel et médiatique, c'est bien ça? Exact, oui. Ouais, puis, je pense que c'est un jeu parce que je pense que ça, pendant un moment, ça va carrément être un jeu, ça va être l'administration, de voir qu'est-ce que je pouvais faire ou pas faire, etc. Quelles sont les règles du jeu? Comment est-ce qu'on peut essayer de tricher sans trop se faire prendre? ouais, c'est ça, oui. Il y a toujours cette... Je pense qu'il y a un truc aussi qui est récurrent, qui est... tu sais, il y a toujours le lien, je pense, entre folie et dangerosité. Puis je pense qu'il y a un truc là-dedans qui m'intéresse, puis que sur lequel j'essaie avec lequel j'essaie de travailler dans ma pratique performative, même si c'est dans le contexte académique ou peu importe dans quel contexte je travaille. Donc ça, c'est un autre des aspects qui est intéressant, parce que en performance et dangerosité, il y a aussi beaucoup beaucoup de points de contingence. Fait oui. Que je pense que dans ces amalgames-là, il y a des zones compliquées dans lesquelles j'essaie de m'installer. Tout à fait. Folie et dangerosité, c'est vraiment un parallèle riche à faire. En fait, il y en a beaucoup à discuter. On peut d'ailleurs, on va continuer à en discuter après une petite pause musicale. Donc, on écoute toujours la musique de Bad Bad Not Good. Cette fois-ci, c'est la chanson Speaking Gently qu'on va écouter. Et au retour de la pause, on va toujours être avec Allegria Gobeil pour parler de sa pratique artistique. Thank you. Vous êtes toujours à l'écoute de l'aérospatiale. Myriam Leland, toujours au micro, accompagnée d'Allegria Gobeil, l'autre côté de l'écran. Donc, Allegria, juste avant la pause, on parlait de ta pratique. On a essayé de rendre ça pas trop hermétique et neutre pour utiliser tes termes, parce qu'on on est bien conscient que c'est pas des sujets auxquels beaucoup de gens sont habitués de réfléchir. Mais comme on se disait hors d'onde pendant la petite pause musicale, c'est quand même bien de discuter justement de ce sujet-là, puis d'essayer de rendre ça le plus accessible possible à plein de personnes, parce que au final, même si on utilise des termes qui sont plus pointus, disons, c'est des réalités que beaucoup de personnes vivent, mais vivent seules. Donc, grâce à ta pratique, justement, ça peut être quelque chose qui est peut-être un petit peu plus réfléchi, sans nécessairement être ultra médiatisé ou ultra populaire. Ça permet vraiment de réfléchir un peu plus à ces parallèles-là de réception de pratiques psychiatrisées dans le monde de l'art, justement. C'est quelque chose auquel tu réfléchis depuis un bon moment, tu le mentionnais avant la pause, mais entre autres, tu y as réfléchi énormément dans la dernière année avec Folliculture, qui a un programme qui s'appelle Artiste assigné à résidence. Donc, tu as été l'artiste assigné à résidence pour 2019, 2020, 2021 avec la COVID. On profite encore un peu de ta présence avec Folliculture. Donc, peux-tu me parler un peu plus de qu'est-ce que tu as fait pendant cette résidence-là, ou qu'est-ce que tu as réfléchi? Oui, je vais faire une mini anecdote pour rebondir sur ce que tu viens de dire, qui est de dire que je pense que peut-être de plus en plus de personnes vivent ces enjeux-là, mais je pense que surtout de plus en plus de personnes sont psychiatrisées. Puis pour moi, c'est ça qui est le plus intéressant à pointer, c'est le fait qu'on psychiatrise de plus en plus de comportements, puis que la psychiatrie diagnostique est en train de nous enfermer dans beaucoup, beaucoup de boîtes. Puis je pense qu'il faut prendre un moment de recul puis réfléchir à de quoi on a besoin collectivement. Ça, c'est ma petite parenthèse. Parce que c'est ça, en fait, justement, pour revenir à la résidence, pour répondre à ta question. C'est ça, pour moi, c'est intéressant. La blessure en particulier, comme ma recherche actuelle me fait me rendre compte, surtout la coupure, exemple, puis le fait de se faire mal à soi-même, c'est une pratique qui est de plus en plus psychiatrisée depuis 2013, est apparue comme une catégorie dans le DSM. Une catégorie même se ronger les ongles, c'est considéré comme de l'automutilation dans le... Oui, dans le DSM, ce qu'ils appellent la trichotillomanie. Donc, de se jouer après le visage, de se ronger les ongles, de s'arracher des cheveux, c'est considéré comme quelque chose de pathologique dans le DSM. Ouais, ben là c'est là où on voit que peut-être qu'on devrait réfléchir un petit peu plus loin que juste se dire que c'est pathologique. Puis tu sais, c'est ça mon problème, c'est de me dire bon, c'est quoi ces pratiques-là, avec quoi on s'engage quand on travaille avec ces pratiques-là, qu'est-ce qu'elles représentent, qu'est-ce qu'elles sont. Puis justement, comme la coupure est une pratique qui est de plus en plus psychiatrisée, et comme on est dans une psychiatrisation accrue en général, je m'intéressais à travailler, comme je disais, avec ça en performance, mais surtout, j'ai décidé de travailler avec des blessures involontaires, puis c'est quelque chose que j'avais déjà fait dans le passé, autour de 2016. Qu'est-ce que tu nommes blessure involontaire? Ouais. En fait, ça serait vraiment comme on s'imagine. Au lieu de décider de me faire mal, par exemple, je vais... ce qui s'est passé, c'est que je me suis mis à saigner du nez, je me suis coupé les doigts sans faire exprès en cuisinant, puis je suis tombée en état d'intoxication. Donc, je me suis ouvert le genou assez intensément. Puis là, ça, c'est trois grosses, disons, blessures qui sont pas vraiment des blessures, dépendamment de ce qu'on considère comme étant une blessure, qui se sont passées. Puis à partir de ce point-là, je réfléchissais avec... une œuvre à laquelle ça me faisait réfléchir, ou une artiste à laquelle ça me faisait réfléchir, mais aussi avec comment est-ce que, avec les apports, disons, de la théorie antipsychiatrique, puis des perspectives MAD, pour essayer de réfléchir entre toutes ces affaires-là, à la fois la question de la souveraineté que je nommais tout à l'heure, qui est comment est-ce qu'en art performance, on décide d'agir avec sur son corps. C'est à travers ça que le message politique est comme dégagé. Fait qu'on se fait mal et on agit sur son corps. Puis là, par ça, il y a une agentivité qui est dégagée. Puis moi, c'est ce que tu entends par, justement, souveraineté sur notre propre corps. Exact. Puis les discours, disons, en histoire de l'art ont beaucoup été construits autour de ça. Moi, j'essaie de détourner ou de réfléchir à partir d'ailleurs pour. Fait que je choisis pas, en fait. Je choisis pas de me faire mal. Puis là, je m'attarde à quand je me suis fait mal pour penser avec cette blessure-là, sans y apposer y apposer un sens préétabli. Puis en essayant de réfléchir avec. Puis ça fait que. Je pense que cette tactique-là me rapproche, disons, des coupeureuses psychiatrisées ou de la pratique de la coupeur psychiatrisée ou de la blessure psychiatrisée, parce que la question du choix, en fait, qu'on est psychiatrisé ou dans la littérature psychiatrique sur la blessure, est vraiment importante, puis c'est à travers le choix qu'on psychiatrise. C'est le choix de la personne de se faire mal qui est psychiatrisé. C'est ce qui va faire que les gens vont avoir des mauvais traitements médicaux, qu'on va leur refuser l'accès à l'anesthésie. Qu'on va leur refuser de refermer leur plaie comme il faut. Ça a été nommé dans des études sur lesquelles je me base. Donc, la culpabilité, dans le fond, du choix est très, très forte dans toute cette littérature de la coupeur psychiatrisée. Autant qu'on va voir comment est-ce que des coupeureuses en parlent que comment est-ce que la littérature psychiatrique en parle. Donc, cette question-là de la culpabilité versus le reste, pour moi, c'est l'aspect le plus passionnant, puis c'est sur ça que j'ai travaillé, en fait, en rédigeant beaucoup, beaucoup des textes, comme la pandémie obligeait à ce que tout soit en huis clos, puis un peu en refermé, à chaque blessure involontaire, j'écrivais avec ce qui venait de se passer, puis en réfléchissant à ces axes-là, disons, de rencontre entre ces aspects-là. Puis d'ailleurs, ces textes-là, justement, que tu as écrits, certains des textes que tu as écrits pendant la résidence vont être récités lors de deux événements pour souligner la clôture, justement, d'artistes assignés à résidence. Donc, il y en aura une soirée de performance slash lecture. Donc, ce sera vendredi le 1er octobre à Montréal. Puis, la seconde sera à Québec, cette fois-ci, lundi le 4 octobre. Donc, on invite les gens à aller sur la page Facebook de l'organisme Folliculture pour trouver les événements qui ont été créés. C'est sur inscription. On vous mentionne le lieu où cette soirée se déroule. Quand vous inscrivez par courriel donc au fcacommercialfolliculture.org. Donc merci beaucoup Allegria Gobeil de nous avoir d'avoir piqué notre curiosité avec ta pratique disons atypique mais tellement riche. Un n'empêche pas l'autre bien sûr. Donc nous on se laisse pour des pauses publicitaires et au retour ce sera déjà l'agenda de la semaine puisque comme je vous disais en début d'émission c'est une petite version allégée de l'émission cette semaine. Donc, merci encore, Allegria. Merci. Et on se voit de retour de la pause musicale, publicitaire, pardon. Cet automne, on se voit au cinéma. J'aime mieux voir des films au cinéma qu'à la maison. Pour nous, c'est important de faire découvrir le cinéma québécois à nos enfants. Après tout ce temps-là, de voir des films, enfin! On se sentait en sécurité, c'est vraiment formidable. On retrouve ce qu'on vivait avant, distancé. On dirait que c'est un événement quand on va au cinéma. Faites comme les films québécois. Sortez en salle. Voyez Maria Chapdelaine avec Sarah Monpetit, Hélène Florent et Sébastien Ricard. Présentement à l'affiche dans votre cinéma. Ce projet est réalisé en partenariat avec le gouvernement du Québec. Le 9 octobre prochain, le cabaret Drag Opéra est de retour à Québec pour une deuxième édition haute en couleurs. 5 chanteurs d'opéra, 4 drag queens, un mélange hétéroclite d'opéra, de comédie musicale et d'icônes de la chanson pop. Les critiques sont unanimes, le Drag Opéra est un événement à ne pas manquer. Une expérience unique et déjantée le 9 octobre prochain à la scène Le Bourgneuf. Bonjour, ici Nikki G, espionne internationale et femme moderne, mais surtout votre animatrice pour le Drag Opéra. On se voit le 9 octobre prochain à 19h pour un spectacle des plus glamour. On s'y voit? Ta-ta! Visitez la page Facebook Drag Opéra pour plus d'informations. Billets en vente au zitabombardiertouret.com. En septembre, CKRL présente le radiothéâtre Le Dieu du carnage, une comédie de Yasmina Reza. Alors que Ferdinand a attaqué Bruno à coups de bâton à l'école, les parents se rencontrent afin de régler le litige. Mais malgré leur bienveillance et la conciliation, la situation va s'envenimer peu à peu. Leur fils tabasse Bruno et on fait chier pour un hamster! Tu t'es très mal comporté avec ce hamster, tu peux pas le nier! Je me fous de ce hamster! Tu ne pourras pas t'en foutre ce soir avec ta fille! Qu'elle vienne, celle-là! Cette comédie évoque avec jubilation tous les paradoxes de la condition humaine. Un radiothéâtre présenté par les productions Animatou en collaboration avec la Fédération québécoise du théâtre amateur. Première diffusion le 16 septembre, 16h. Rediffusion les 25 septembre, 18h et 28 septembre, 21h. Depuis toujours, les infirmières prennent soin des patients avec cœur et dévouement. Aujourd'hui, c'est à notre tour de prendre soin de ces professionnels en valorisant leurs compétences et en assurant rapidement un meilleur équilibre entre travail et vie familiale. C'est également l'occasion pour les personnes qui ont quitté le réseau public de revenir prêter main forte avec de meilleures conditions. Plus que jamais, nous avons besoin d'elles pour améliorer la vie des patients. Pour en connaître davantage sur notre plan d'action, rendez-vous à québec.ca/infirmière. Un message du gouvernement du Québec. Bienvenue à l'aérospatiale, Myriam Leland toujours au micro. Donc, comme je vous disais juste avant la pause publicitaire, on saute tout de suite à l'agenda de la semaine. Donc, il y a quelques événements cette semaine et en fin de semaine qui valent la peine, qui valent le détour. Donc, on a la série des conférences midi de la Maison des métiers d'art de Québec qui continue mercredi le 29 septembre, donc demain à midi. Ce sera sur la plateforme Zoom qu'on connaît bien maintenant. Il va y avoir une conférence d'Anne-Sophie Blanchette, historienne de l'art, commissaire. On la connaît bien à Québec, donc elle offrira une conférence sur la politique d'intégration des arts à l'architecture en question. Donc, c'est cette politique qu'on connaît plus communément sous le nom de la politique du 1%. Donc, cette conférence midi est sur inscription seulement. Je vous invite à aller voir le site web de la MMAQ ou encore l'événement Facebook pour cette conférence spécifique. Il y a aussi la Chambre Blanche qui recevait en résidence les artistes italiens Daniele Di Girolamo et Carlo Lombardi pour une résidence du 8 au 30 septembre. Donc, pour terminer cette résidence, il va y avoir une présentation au public qui se déroulera le 29 septembre à partir de 17h. Les réservations peuvent se faire en ligne. Vous pouvez aller voir l'événement Facebook ou encore le site web de la Chambre Blanche. Une autre chose qui se passe aussi cette semaine, c'est le lancement du nouveau colis d'or du musée ambulant. Donc, l'événement qui se passera en présentiel est à Chicoutimi. Donc, si ça vous tente de vous faire un petit road trip ce jeudi, vous êtes la bienvenue au Centre Bagne dès 17h, donc ce jeudi 30 septembre. Toutefois, je prends quand même la peine de le mentionner, même si c'est pas à Québec, parce que le colis d'or va être disponible pour achat sur le site web du musée ambulant. Ils offrent la livraison aussi, donc je vous invite à aller visiter leur site web et c'est en collaboration avec la librairie Le Point de Suspension. Un autre événement cette semaine va se dérouler sur le boulevard Langelier, pardon. Donc, c'est encore jeudi le 30 septembre en formule 5 à 7. En cas d'intempérie, ça va avoir lieu le lendemain, donc vendredi le 1er octobre. C'est l'exposition des eaux blancs qui est un projet issu de la collaboration entre Voisins solidaires, Action Culture Saint-Sauveur, le photographe Guillaume Cyr et le graphiste Jeremy Hall. Donc, vous êtes invités dans le parc Langelier, donc le terre-plein sur le boulevard Langelier, où il y a ces fameux panneaux de la ville qu'on connaît bien maintenant pour présenter l'exposition, donc vous pouvez retrouver les artistes sur place ce jeudi dès 17h. Vous êtes également invité au vernissage de Steve Giasson à partir de 17h le vendredi 1er octobre. Donc c'est au centre Le Lieu que ça va se dérouler. L'exposition de Steve Giasson va être ouverte du jeudi au dimanche de midi à 17h et ce jusqu'au 24 octobre. Il y a nos cousines d'à l'est de vos empires qui ont fait une collaboration avec la Galerie 3 pour l'exposition de Baron Lanteigne dont on parlait la semaine dernière avec Camille qui a collaboré avec Baron Lanteigne sur une des œuvres qui est présentée à la Galerie 3. Donc, à l'Est permet de présenter une conférence qui s'intitule « L'art et le numérique, décrypter le web et ses enjeux » et ça va se dérouler ce samedi le 2 octobre. Dès 13h. Je vous invite à aller voir le site web d'à l'Est et de Galerie 3 pour connaître les modalités de participation à cette conférence. Puis finalement, un événement de danse qui va se dérouler au Musée national des beaux-arts du Québec. Donc, c'est gratuit, c'est sur réservation et les places sont limitées. La chorégraphe Louise Bédard revisite le spectacle Promesse, sa toute dernière création, spécifiquement pour le Musée national des beaux-arts du Québec. Ça débute ce samedi, donc le 2 octobre. Il va avoir des représentations le 3, le 9, le 10, le 16 et le 17 octobre également. Donc, c'est déjà ainsi que se termine notre plus courte édition de l'aérospatiale. Comme à chaque semaine, vous pouvez rattraper l'émission en balado-diffusion sur notre page web l'aérospatiale.ckrl.wordpress.com. C'est aussi un bon moyen de savoir qu'est-ce qui se passe. On va mettre bientôt notre calendrier à jour, donc vous allez pouvoir voir tout ce qui se passe dans la ville de Québec, dans le milieu des arts visuels. Puis, vous pouvez également nous suivre sur notre page Facebook et sur Instagram. On essaie de mettre le plus d'événements possibles liés à notre page Facebook pour que tout se retrouve au même endroit. Je prends le temps de remercier Allegria Gobeil et on se laisse. Il va y avoir une dernière piste de l'album 4 de Bad Bad Not Good que Simon Roy nous avait sélectionné pour ce soir. Donc, ça va être la piste Chumpy's Paradise et ensuite, ça va être la super sélection CKRL qui va jouer jusqu'à la prochaine émission. Donc, merci d'avoir été là et on se dit à la semaine prochaine! could rub me a big fat pussy. And I could grab your hairy twat. We should stay together always. We should try, but I'd rather not. Sometimes I feel your vagina near me. Sometimes I feel it's out of reach. Just 'cause I could get you pregnant, there's no need to fear me. We're just like waves crashing on the beach. I could tell you how much I love you, and you could say that you love me too. I'd like to keep the memory of us forever. I'd like to write you in my little black book. My little black book for future reference. In my hour of darkness I saw your pussy. It made me feel like such a good man. In those minutes of desolation, I touched your hot box. It made me feel I could take a stand. Could rub your big fat pussy, and I could grab your hairy twat. We should stay together always. We should try, but I'd rather not. Parti dans un autre ce pays d'où je reviens tout juste. On apprend de ses erreurs, je sais. Mais y'a des endroits qui vaudraient mieux ne jamais visiter. struggles to make it. Salut tout le monde, ici Pierre-Hervé Goulet. Vous écoutez ma nouvelle chanson « Les oiseaux du matin » sur CKRL.